Il fut un temps où les jeunes filles passaient le certificat à l'école. Le lendemain, si elles voulaient, elles pouvaient aller travailler à l'usine Plante Vert, sans rien demander à personne. Hein. Elles allaient là-bas. On les prenait, elles travaillaient. Elles se présentaient à l'entrée et on les prenait. Oui, oui, et même la direction de Plante Vert, il fut un temps qu'elle a fait venir des jeunes filles orphelines de Marseille. Peut-être pas beaucoup. Mais dans la commune, il y en a, je pense qu'il y en a au moins trois qui se sont mariées dans la commune. Et le bâtiment qu'elles étaient, ça porte le nom de l'internat. C'était le bâtiment que Fargy a son atelier en bas, parce qu'il y a une pièce là qui rentre par la terrasse. Dessus, il y a une pièce là que c'était l'appartement. Et en haut, il y avait des pièces mansardées. Et comme c'était mansardées, et c'était éclairé à une époque par des fenêtres de toit, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a des pièces en haut, là, complètement en haut. Tout ça, donc tous ces trois niveaux-là, c'était des habitations, des ouvrières Des orphelines, vous appelez ça. Et d'abord, comme c'était des internes, le bâtiment, il portait le nom de internat. Et ça vous plaisait, ça, des internes? Non, bon, je ne sais pas, c'est pas dans mon nom. Non, on n'a pas connu. Non, on n'a pas connu. Non, non, non. Non, c'était jusqu'à quand, ça? Oh, c'était à l'époque où ma mère travaillait. Ça avait bien au moins, parce que ma mère travaillait de 21. En 35, c'était l'époque que même le bâtiment s'est fait à cette époque-là. Donc les jeunes filles qu'on a fait venir de Marseille, ça c'était à l'époque de votre maman ou oui, c'était à l'époque de ma maman, oui. Et elles sont parties, vous avez dû voir sur les livres là, de Morin, qu'une partie de l'usine s'était brûlée au début des années 30, et bien elles sont parties à ce moment-là. Elles sont parties à ce moment-là. Les deux bâtiments, ils étaient brûlés. Là, le plus haut bâtiment s'est brûlé, jusqu'à vers l'ascenseur. Ils avaient fait sortir à l'époque un pignon de mur, là. En V, vers l'ascenseur là. Et en bas, tout ce qui est couvert avec une dalle là, c'était pour jusqu'à ce numéro là, à ce niveau là. Moi je suis parce que je travaillais moi avec des papiers qui avaient 40 ans de plus que moi à l'usine, ils le disaient. Et bien moi je me rappelle quand ça s'est brûlé, et bien le feu c'était en vérité là. Ça se racontait entre les ouvriers, les plus jeunes, les plus âgés, les histoires. Il vous racontait les histoires de comment c'était avant, il y avait de la transmission. Oui, ça a bien aidé. Ça a bien aidé pour nous dire de savoir un peu comment ça marchait à l'époque.